Caldery au microphone, re-bienvenue à cette émission Prendre la Chine par son histoire. On entendait juste avant la pause une pièce interprétée au Guzheng par Cui Qianhui intitulée Su Muzhe. Donc, on est enfin prêt à débuter le récit de notre histoire de la Chine avec la première de nos trois grandes périodes historiques que nous allons aborder, soit la Chine ancienne. Ce récit d'histoire que je vous propose s'intitule « L'histoire de la Chine à dos de tortue » et c'est un récit qui va être divisé en sections ou en chapitres. Le premier chapitre qu'on débute aujourd'hui se nomme « De la fondation du monde jusqu'au royaume combattant ». C'est un chapitre qui est divisé en quatre points spécifiques. D'abord, nous verrons dans un premier temps les héros mythiques et les dynasties légendaires. Puis, nous glisserons quelques mots sur l'importance des découvertes archéologiques. Ensuite, nous parlerons de l'apparition de l'écriture avec la divination sur les écailles de tortue. Puis, nous terminerons finalement ce premier chapitre avec une présentation des périodes historiques qu'on appelle les printemps et automnes et les royaumes combattants. Donc, commençons donc par le premier point du premier chapitre qui s'intitule « Héros mythiques et dynasties légendaires ». Au commencement du monde, en Chine, il n'y a pas de dieu créateur omniscient qui serait à l'origine de tout, comme c'est le cas dans ce qu'on retrouve dans la tradition judéo-chrétienne, par exemple. Il existe toutefois dans les traditions une panoplie de divinités et de héros mythiques, des héros fondateurs auxquels on associe différentes facettes sur l'origine du monde, l'origine de la société et des différentes institutions qui la constituent, ou encore l'origine des inégalités sociales. Parmi les mythes les plus célèbres qui nous rapprochent de ce qui ressemble à la création du monde, on retrouve par exemple le mythe de Pangu. On raconte que Pangu serait parvenu à séparer le ciel de la terre alors qu'il se trouvait au sein d'un chaos primordial qui ressemblait à la forme d'un œuf obscur et sombre. Pangu a été prisonnier dans cette obscurité pendant près de 18 000 ans. Il aurait ensuite pourfendu l'air à répétition avec sa hache, dans toutes les directions, dans tous les sens, et c'est ainsi qu'il aurait séparé les éléments, les principaux éléments, alors que le ciel remontait vers le haut et la terre descendait vers le bas. Puis, Pangu se serait tenu debout. Il aurait maintenu le tout en équilibre, tenant le ciel à bout de bras pendant près de 18 000 ans, avant de s'effondrer sur le sol, mort de fatigue. Les différentes parties de son corps seraient par la suite devenues les principaux éléments de la nature. Son souffle devint le vent, les nuages. Sa voix, le tonnerre. Ses yeux, la lune et le soleil. Sa tête, les montagnes. Son sang, les rivières. Ses muscles, les plaines. Sa barbe, les étoiles. Les poils de son corps, les forêts. Ses eaux, les minéraux qui se cachent sous la terre. Et ainsi de suite. Un autre mythe fondateur essentiel dans la tradition chinoise est celui de Nüwa. On dit d'elle qu'elle aurait créé l'humanité. Tout comme pour le mythe de Pangu, il existe de nombreuses versions de l'histoire de Nüwa. On raconte, par exemple, qu'elle aurait d'abord réparé le pilier séparant le ciel de la terre. Puis, parce qu'elle s'ennuyait d'être seule dans le monde, elle aurait décidé de créer l'humanité. Pour ce faire, elle aurait pris de la glaise, une glaise jaunâtre, une glaise au teint jaune, et elle aurait ainsi sculpté de ses mains ce qui ressemble à un petit homme. Elle l'a posé sur le sol, et ce petit homme vint à la vie, tout émerveillé, courant dans toutes les directions en s'exclamant « Maman, maman !» Ému devant sa création, Nüwa en fit un autre, tout de suite, et le résultat fut identique. Ses créations qu'elle venait de faire étaient épuisantes, mais Nüwa voulait continuer de créer tout de même. Elle était trop fatiguée pour refaire des petites créatures identiques avec la glaise. C'est alors qu'elle aurait pris une corde. Elle aurait fait passer la corde dans la boue et, d'un seul coup de fouet, schlac! La corde recouverte de boue se serait brisée en une infinité de petits morceaux. Des morceaux qui seraient devenus à leur tour des êtres humains courant dans toutes les directions. Certains racontent que ce serait ainsi que les hiérarchies fondamentales seraient apparues dans la société. Les créatures façonnées directement de la main de Nua représenteraient l'élite de la société et les créatures créées à partir de la corde, les gens ordinaires. Un dernier mythe que je vous présente aujourd'hui, c'est celui de l'archer I ayant vécu les 9 soleils qui étaient de trop dans le ciel. On raconte qu'il y a de cela très très très longtemps, il y avait 10 soleils dans le ciel. Ces 10 soleils généraient tellement de chaleur que l'eau des rivières s'asséchait partout. Les plantes n'arrivaient pas à survivre très longtemps et les gens étaient continuellement assoiffés. Leur vie était très pénible, comme vous vous en doutez. Puis un jour, l'archéi décida que c'en était assez. Il sortit ses flèches et tira sur les soleils l'un après l'autre. Et les soleils touchés s'éteignirent et tombèrent sur le sol. L'archéi tua ainsi de ses flèches les 9 premiers soleils. Et on lui fit comprendre qu'il était préférable de garder le dernier soleil dans le ciel. Et c'est ainsi que les rivières purent couler à flot et les plantes devinrent verdoyantes, alors qu'un seul soleil se levait dans le ciel et se couchait tous les jours grâce à l'archer I. Évidemment, ces petits récits, ces résumés ne sont que des récits qui ont été faits à partir de bribes trouvées à gauche et à droite dans la tradition chinoise. Ces mythes fondateurs et les nombreux autres qui existent en Chine ont longtemps circulé par la voie de la tradition orale. Et pour chaque récit que je viens de vous proposer, il en existe plusieurs variantes selon les régions, selon les périodes et selon les auteurs. On en retrouve des bribes dans certains textes classiques, dont l'un des textes les plus célèbres est le « Shan Hai Ching », le classique des mers et des montagnes. C'est un texte qui a été rédigé au 3e siècle avant notre ère. On retrouve aussi des extraits dans d'autres textes classiques, dont le Shu Qing, qui est le classique des documents, un texte sur lequel nous reviendrons au cours des prochaines semaines. Avant de conclure cette deuxième émission en musique avec une troisième pièce, j'aimerais vous rappeler que l'émission sera en rediffusion à toutes les semaines le mardi matin à 10h AM sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Par ailleurs, si vous avez manqué le premier épisode est accessible sur le site Internet Archive. Donc, c'est un site qui se nomme Internet Archive et vous n'avez qu'à écrire dans la barre de recherche du site le titre de notre émission « Prendre la Chine par son histoire » et vous devriez être capable de trouver l'épisode qui est disponible en format audio et les prochains épisodes vont aussi se retrouver sur ce site Internet Archive. Je vous rappelle aussi, comme c'est une émission qui est développée comme un cours universitaire, que vos questions sont toujours les bienvenues. Je vous rappelle que vous pouvez me transmettre toutes vos questions par courriel à l'adresse dericarl@gmail.com. Vous pouvez aussi venir déposer vos questions directement dans ma boîte de courrier au département des sciences humaines de l'UQTR, département qui est situé dans le pavillon Ringuet. Finalement, vous pouvez aussi me trouver en personne dans mes heures de bureau à tous les lundis dans le parc Victoria de Trois-Rivières. Vous n'avez qu'à chercher de midi à 14 heures en suivant l'affiche « Un prof à ciel ouvert ». Pour la dernière pièce que je vais vous offrir afin de conclure cette deuxième émission de Prendre la Chine par son histoire, c'est une pièce que je voudrais dédier à tous mes amis qui ont tenté en vain d'arrêter de fumer la cigarette. Des amis qui continuent encore et encore malgré tout. C'est une chanson qui a été produite par un des groupes phares de la scène alternative et de la musique indépendante dans la Chine du début du 21e siècle, un groupe qui se nomme Carsick Cars. La pièce en question que je vais vous faire entendre s'intitule « Chong Nanai » et les paroles sont très simples à suivre. Mentionnons d'abord que le titre « Chong Nanai » c'est une marque de cigarette qui est très populaire en Chine. En gros, la chanson répète continuellement « Chong Nanai, Chong Nanai » en ajoutant « Mais qui donc a pris mes Chong Nanai? Où sont mes Chong Nanai? » C'est donc, au premier abord, lorsqu'on l'écoute, le cri désespéré d'un fumeur qui est incapable de se passer de son tabac. Mais la chanson, elle me permet aussi de présenter tout de suite un concept essentiel qui va nous être utile pour la suite des choses. Il s'agit de ce qu'on appelle la valeur allusive de la langue chinoise. C'est un thème sur lequel nous reviendrons au cours des prochaines semaines, lorsque nous aborderons plus spécifiquement la langue et l'écriture. Mais disons pour l'heure que la langue chinoise exprime toujours plus que ce qu'elle dit au premier abord. C'est une caractéristique qui est principalement liée à l'aspect figuratif, un aspect qui est inhérent à la langue écrite, ce qui ajoute au langage une dimension suggestive très importante. Chong Nanai, c'est une marque de cigarette, oui, mais c'est aussi le nom d'un édifice. Un édifice qui est situé en plein cœur de Pékin et qui représente le pouvoir politique du Parti communiste chinois. On pourrait dire, métaphoriquement parlant, que Chong Nanai représente en soi le pouvoir politique de la Chine contemporaine. Le groupe Carsick Cars, qui interprète la chanson, c'est un groupe qui a des influences chez des groupes comme Sonic Youth. Ils ont d'ailleurs fait leur première partie à quelques occasions. La pièce que vous allez entendre contient, à mon avis, un des plus beaux feedbacks de guitare qui m'a été donné d'entendre. C'est un feedback qui va durer assez longtemps à partir de la deuxième minute environ. Donc, ne soyez pas surpris. Je vous invite à être patient. La musicalité va revenir et va même parvenir à vous surprendre. À un moment donné, on a l'impression de se perdre au cœur d'une pièce de Velvet Underground, mais au final, tout rentre dans l'ordre et on termine avec le thème principal de la chanson qui revient pour nous surprendre. Alors, je vous laisse ici pour aujourd'hui avec cette chanson qui va se terminer abruptement avec ces paroles « Je suis incapable de vivre sans Chong Nanai ». Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai jian ba.